Monde en cours, monde à béton, monde à bénéfice, Moko Oyo et Zangana 99 quoi comme ça. Monde arabe. Monsieur le maire de Paris. Système ya lokolo a sapato en Zambie. Awa basangani bango ebele. Est-ce que koki bango? Jean-Jacques Moutoile, Brice Mpangi. Thank you. quartier de Saint-Pierre, Tahiti, Ghana. Ricky Jenny, mon conti à Lyon. Thank you.